إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc alhamdulillah rabbil alamin, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a permis qu'on puisse se réunir aujourd'hui dans cette mosquée dans la ville de Romainville. Et inshallah aujourd'hui on va lire ensemble une petite risala du Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah. Le titre de cette risala, c'est Manhaj Ahli Sunnah fi Tawhid al-Ummah, c'est-à-dire la méthodologie des gens de la Sunna pour établir l'unification de la Ummah. Et le Cheikh, il dit qu'il n'y a pas de doute que le sujet de cette risala, c'est un sujet qui est très, très grand, très important. Et c'est un but et un objectif énorme que les musulmans doivent essayer d'établir. Le fait de rassembler et d'unir les rangs des musulmans et de les réunir sur une parole commune. Il n'y a pas de doute que le fait de faire des efforts pour arriver à établir ce genre de choses, c'est quelque chose qui est fondamental pour les musulmans, qui est très important. Et l'islam nous a ramené et apporté plusieurs solutions pour arriver à ce résultat. Parce qu'on retrouve toutes sortes de différentes opinions qui sont divergentes, qui sont divisées, toutes sortes de tendances. Et donc il faut clarifier les choses, il faut clarifier les différents remèdes, les différents moyens, les différentes voies pour arriver à établir l'unification des rangs des musulmans. Oui, il y a de nombreuses solutions, mais le musulman qui est intelligent et qui comprend les choses, il sait que toute chose doit être ramenée au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce sont les deux références et les deux sources vers lesquelles le musulman doit ramener les choses pour qu'elles soient tranchées et clarifiées. Donc, en partant, ce ne sont pas toutes les solutions qui sont présentées qui vont être valables ou qui vont être acceptables, mais en particulier celles qui, lorsqu'on les ramène au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs salih, eh bien, c'est celles-là qu'on remarque qui vont rester et qui vont être, inshallah, appliqués. Et donc, peu importe le sujet ou la question sur laquelle le musulman a une divergence ou un problème, eh bien, il doit revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas se baser uniquement sur son opinion ou sur son jugement ou sur les choses qu'il essaie d'établir selon sa devinette, selon ce qu'il devine ou essaie de comprendre par lui-même, ni par ses conjectures. Il doit revenir au livre d'Allah et aux preuves claires de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أدلة التحذير من التفرق من الكتاب والسنة. Les preuves de l'avertissement et de la mise en garde contre la division dans le Coran et dans la Sunna. Le fait d'appeler à rassembler les musulmans et à unifier leurs rangs et à avertir contre la divergence et la division, c'est quelque chose qui a été clarifié en détail de la meilleure façon et de la façon la plus claire dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les gens de la sunna, ahlul sunna wa ahlul istiqama, les gens de la sunna et les gens de la droiture qui se cramponnent fermement au Coran et à la sunna, ils n'ont pas d'autre choix que de retourner au Coran et à la sunna. Et ils suivent la sunna et le Coran là où le Coran et la sunna les amènent. Hein? Comme disaient les salaf, comme l'imam al-Awza'i, Nadouru ma'a sunna haythu darat. C'est-à-dire là où la sunna nous amène, c'est là qu'on va. Et on la suit. Donc, les gens de la sunna, c'est ceux qui sont réellement sur la sunna et qui défendent avec sincérité la sunna, ce sont ceux qui suivent la sunna là où les amène la sunna et qui suivent ce qui a été ramené par Allah dans son livre et qui suivent la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui l'établissent de la façon la plus parfaite et la plus complète. Donc, qu'est-ce qui ne fait pas partie du Coran et de la sunna? Ils le rejettent et ils le laissent et ils mettent en garde contre celle-ci avec des avertissements et des mises en garde sévères. Ça, c'est la façon dont les gens de Ahl Sunna wal Jama'a se comportent. Les gens qui sont les gens de la vérité. Ceux pour lesquels le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a témoigné qu'ils seront les victorieux et qu'ils seront ceux qui seront sauvés. Hein? At-ta'ifatul mansoura wal-firqatul najiya. Le groupe victorieux et la secte sauvée. Et donc, si on veut trouver la solution pour le problème de cette division dans laquelle nous sommes et qui s'est installée chez les musulmans, eh bien, il faut chercher la solution nulle part ailleurs que dans le Coran et dans la Sunna. Et il faut savoir une chose importante en commençant, c'est que le fait que se produise de la divergence et de la division dans la Ummah, c'est quelque chose qui a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie du qadar. Donc, la divergence et la division, c'est quelque chose qui a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. Tout ce qui arrive dans la création et dans l'univers a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose qui arrive et qui fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-irada, al-kawniya, al-qadariya. Toutefois, c'est pas parce que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et qu'il a voulu. Le fait qu'il l'ait prédestiné et qu'il l'ait voulu, ça ne veut pas dire qu'il l'aime. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans la charia, la division et la divergence. Et en particulier la division et la divergence dans les bases et dans les fondements de l'islam, dans la aqidah et dans le manhaj. Donc, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées dans la prédestination et dans la création, mais qu'il a interdit et qu'il a menacé de ceux qui le faisait d'un châtiment et d'une punition dans cette dunya et dans l'akhira. Parce que la division, c'est haram. La division dans la religion, c'est haram. Ça fait partie des kabair, des plus grands parmi les grands péchés. Et pour prouver ça, il y a l'exemple du hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Wa inna ummati sataftariq ala thnatayn wa sab'ina firqa wa fi riwayat ala thalathin wa sab'ina firqa kulluha fi an-nar illa wahida. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc annoncé qu'il y allait avoir de la division dans sa umma. Il a dit ma umma va se diviser en 72 sectes. Et dans certaines narrations, dans 73 sectes. Et donc ça, c'est une information qui nous vient de la part de celui qui est véridique. Et il ne parle pas selon la passion, c'est une révélation qui lui est révélée. وَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est la preuve qu'il y aura de la division. Et on ne peut pas s'en échapper. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Et qu'il a voulu dans la création. Donc, c'est obligatoire qu'il va y avoir de la division. Et de la même manière que ça a été rapporté dans le hadith de Al-Urbad ibn Sariyah, radiyallahu anhu, lorsqu'il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » Il dit que celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences. اخْتِلَافًا كَثِيرًا, c'est-à-dire beaucoup de divergences. Donc ça, c'est quelque chose qui prouve que la divergence, elle est prédestinée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, c'est-à-dire, ils ne cesseront d'être en divergence, en parlant des hommes, qu'ils ne cesseront de diverger. Donc c'est la preuve, encore une fois, que la divergence, c'est quelque chose qui a été prédestiné. Mais c'est quelque chose qui a été interdit. Et lorsqu'on lit le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve des textes, de nombreux textes et de nombreuses preuves qui mettent en garde contre la division, la divergence, le fait d'être divisé en sectes, le fait de se détester les uns les autres. Et donc, si on connaît l'exemple de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit et qu'on prend en considération ce qu'on voit de la réalité de la part de ceux qui se disent musulmans aujourd'hui et qu'on constate la divergence et la division qui existe et qu'on voit qu'il existe toutes sortes de divergences d'opinions et de voix et d'écoles ou de pratiques différentes, eh bien ça nous montre et ça nous fait comprendre de façon certaine et véridique qu'on doit retourner au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et que c'est de cette manière qu'on va trouver le remède et la guérison pour nos problèmes et nos maladies. Mais bien entendu, ça c'est uniquement pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le tawfiq et celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la connaissance et la clairvoyance. La division dans la religion et le fait de se séparer ou de se diviser dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui a été blâmé, qui est blâmable. Il y a de nombreuses preuves de ça dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 159 dans sourate Al-An'am, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ, Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: tu n'as rien à voir avec eux. C'est-à-dire qu'il mentionne le désaveu de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ces sectes. Lesta minhum fi shay, tu n'as rien à voir avec ces sectes, avec ces groupes. Et dans une narration, ou dans une autre lecture plutôt, récitation, إِنَّ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Ça c'est une autre récitation qui est parmi les récitations qui est acceptable et valable. الَّذِينَ فَارَقُوا, c'est-à-dire ceux qui se sont séparés de leur religion. Hein? Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est innocent. Il se désavoue de ceux qui ont ramené des divisions et des divergences dans la religion. Et eux sont innocents de lui également. Donc ceux qui ont divisé la religion et qui se sont séparés et qui ont contredit la religion d'Allah, ce sont ceux qui ramènent des fitanes. Ce sont eux qui ont ramené des fitanes et des passions de transgression et de malheur dans la Ummah. Et on trouve ça dans le tafsir, dans les paroles des Mufassirines, dans le Coran, lorsqu'il explique ce verset. Il mentionne que qu'est-ce qu'on veut dire par ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes? Ce sont les gens de bid'ah dans cette Ummah. Ce sont les gens de passion dans cette Ummah. Et selon une autre parole également, ce sont les juifs et les chrétiens. Et le cheikh explique que la vérité, comme c'est mentionné dans plusieurs paroles des ulama à ce sujet-là, c'est que ce verset-là comprend les deux. Comprend les gens de bid'ah, les gens de la passion, et également les gens qui font partie des juifs et des chrétiens. Puisque les juifs et les chrétiens ont divisé leur religion et sont devenus des sectes. Hein? Il y a d'innombrables sectes juives. Parmi les gens qui se disent juifs aujourd'hui, ils sont composés de plein de différentes sectes, hein, qui sont toutes divergentes les unes des autres. Et la même chose pour les chrétiens. Ils sont composés de nombreuses différentes sectes, hein, les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Hein, et ils sont divisés en d'autres sectes. Chacune de ces sectes sont divisées en différentes autres sectes. Hein? Et chacune d'elles prétend qu'elle est la vraie représentation du christianisme. Et chacune des sectes juives prétend qu'elle est la vraie représentation de la religion juive. Et donc, dans ce sens-là, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait: ne soyez pas comme eux. Ne devenez pas comme eux, ceux qui vous ont précédés et qui se sont divisés dans leur religion, ne soyez pas comme eux. Donc ils ont divisé leur religion, ils se sont séparés et sont devenus des sectes, dans le sens qu'ils ont abandonné une partie de leur religion et qu'ils se sont éloignés de leur religion et ils n'ont pas pris leur religion de façon sérieuse, et donc ils se sont divisés et ils ont innové dans leur religion jusqu'à ce que la religion devienne quelque chose complètement différent de ce que leur prophète a ramené et de ce que leur messager a ramené. Et donc ils sont devenus des croyances différentes et des pratiques différentes, et ainsi de suite. Alors que à l'origine, il m'était ordonné que d'établir et d'appliquer une seule et unique religion, qui est la religion du Tawhid, la religion de l'Islam, qui est la religion de tous les messagers et de tous les prophètes d'Allah. Et donc, la religion comprend ceux-là, et elle comprend bien entendu, comme on a mentionné, les gens de bid'ah, parmi cette Ummah, hein, ceux qui ont également contredit le Coran et la Sunna et qui ont ramené dans la religion de l'islam des innovations, des bid'ah, hein, des choses qui sont inventées, et ils ont en cela imité les juifs et les chrétiens. Et donc ils sont sous la menace sévère de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset pour celui qui divise la religion et qui se sépare de la religion. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas, ne fait pas partie d'eux et se désavoue d'eux, et eux sont innocents de lui. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint à ses messagers de ne pas se diviser? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah Shura, le verset 13, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه. Ce verset qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour vous de la religion ce qu'il a enjoint à son prophète Nuh, et ce qui a été révélé sur ce que nous avons révélé sur toi, et ce que nous avons enjoint également à Ibrahim et à Moussa et à Isa, c'est-à-dire d'établir la religion, de se tenir fermement sur la religion et de ne pas se diviser en celle-ci. Et ça, c'est donc le conseil que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et l'ordre qu'il nous ordonne de suivre. De suivre la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé à ses messagers et à ses prophètes, en particulier les cinq grands prophètes parmi les grands messagers, et d'établir la religion et de ne pas se diviser. Et dans ce verset, il y a une solution et un remède sûr contre la divergence et contre le fait d'être dispersé et séparé. C'est iqamatuddin, d'établir la religion. Et cela se fait en restant accroché à la religion, en restant accroché à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et de garder et de préserver ses ordres et ses enseignements. Il n'y a pas d'autre solution à ce problème. C'est le seul remède à la division et à la divergence. Et dans le fait de s'accrocher à la religion, il y a quelque chose qui va repousser la division qui se produit entre les hommes. Et donc ça implique que les gens reviennent de façon complète et totale à l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans Surah Al-Baqarah, le verset 208, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ô vous qui avez cru, entrez dans la religion tout entière, hein, dans tous ses aspects. Entrez dans la religion d'Allah dans tous ses aspects, dans tous ses aspects, dans toutes ses dimensions. Et donc, lorsque certains vont prendre uniquement une partie de la religion et négliger l'autre partie, et qui vont s'opposer à d'autres personnes qui eux aussi ont pris une partie de la religion et qui ont négligé une autre partie, eh bien, c'est là que va se produire entre les gens ce genre de division et ce genre d'animosité et de divergence. Donc, si on s'accroche correctement et complètement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en établissant sa religion et en l'appliquant de façon complète, et en revenant à la religion, au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, de manière sincère et véridique, eh bien c'est le début de la solution. Maintenant, le cheikh, il mentionne un verset, et c'est ce verset-là qui va expliquer tout le reste de ce qu'on va parler, Inch'Allah, aujourd'hui. Et c'est le verset 30 à 32 dans Sourate Ar-Rum. يقول الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et donc dirige ta personne, dirige ton visage sur la religion du pur monothéisme de l'islam. Ad-din hanif. Ad-din al-hanif, ça veut dire le fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la religion du tawhid. Et c'est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. Et il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des hommes ne savent pas. Revenez repentant vers lui et craignez-le. Soyez des gens qui ont de la taqwa, qui font preuve de piété, et établissez la salat, et ne soyez pas du nombre des mushrikines, du nombre de ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chacun d'entre eux se réjouissant de ce qu'ils possèdent. Dans ce verset, dans ces versets, il y a un avertissement sévère contre la divergence et la division, et que la division en réalité est la voie des mushrikines. Ça fait partie de la religion des gens qui font le shirk avec Allah, d'être divisés. Ceux qui ont divisé leur religion et qui ont pris pour divinité des idoles et qui les ont adorés avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont adoré autre avec Allah et qui ont pris leur passion comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces versets, il y a un remède sûr et bénéfique pour tous les problèmes qui ont rapport avec la division. Et c'est ce qu'on va expliquer dans les points qui suivent. La première solution qu'on retrouve dans ce verset, c'est la solution suivante. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. Première solution, d'établir sa religion et de tourner son visage vers la religion du al-hanifi, la religion du pur monothéisme. Le cheikh explique que la signification d'établir son visage sur la religion, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu dois te soumettre complètement et entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, à son ordre et à l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Luqman verset 22: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui soumet son visage, soumet sa personne à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est muhsin, qui est bienfaisant, qui cherche l'excellence dans son adoration, qui applique la religion en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-là a saisi l'anse la plus solide. Le verset 54 dans sourate Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. C'est-à-dire, et revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc, si les gens viennent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prennent de façon totale et complète, sans délaisser rien de cette religion et sans mettre au devant des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala leurs désirs et leurs passions, leur opinion ou leur raison ou autre chose, et qu'ils placent au devant de tout la religion, les paroles d'Allah dans le Coran et les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, alors ils ont établi la cause principale et la plus grande de toutes les causes pour amener à l'unification et à l'unité des musulmans et au fait de réunir leurs paroles vers une parole commune. La deuxième solution qui est mentionnée dans ce verset, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Il y a dans ça une indication de l'importance de la science. De l'importance de la science et de la compréhension dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire d'appliquer la religion mais avec science. Avec la connaissance du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et avec une bonne compréhension. Et de ramener tous les problèmes et les choses sur lesquelles on a des désaccords et les divisions qui se produisent entre les musulmans, entre ceux qui se disent musulmans ou disent appartenir à l'islam, de ramener tout ça au Coran et à la Sunna. Parce que dans le fait de ramener les choses au Coran et à la Sunna, toute question dans laquelle il y a une divergence ou des désaccords, eh bien, il y aura pour le musulman un remède et une solution à son problème. Comme le dit Ibn Abi al-Izz dans le sharh de Al-Aqidah al-Tahawiyya, إذا لم يرد الناس مواطن نزاعهم ومسائل خلافهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبين لهم الحق ولا يكونون على بصيرة في أمرهم إذا ردوا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah, il dit que si les gens ne ramènent pas les questions de divergence et les désaccords qu'ils ont au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ne trouveront jamais la clarification de la vérité. Et ils ne seront jamais sur la science dans leurs affaires. Et ils n'auront jamais de compréhension dans leurs affaires s'ils essaient de ramener les choses à autre qu'au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc les questions de divergence et de désaccord dans la umma, peu importe que ce soit dans les fondements ou dans les branches qui découlent de ces fondements-là dans la religion, si on ne les ramène pas à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, on ne va jamais trouver la vérité. Et les gens qui ont des désaccords et des divergences, ils ne seront jamais sur une preuve claire dans leurs affaires. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la science? Bien entendu, c'est la science du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il n'y a pas de science en dehors de cette science. La science du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de les comprendre d'une compréhension qui est correcte, qui est la guidance et la compréhension des salaf al-salih, c'est-à-dire la compréhension de nos pieux prédécesseurs, hein, c'est-à-dire les sahaba, les tabi'oun et les tabi'oun tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont étudié avec les sahaba. Après les sahaba, c'est ceux qui ont étudié avec eux qu'on appelle les tabi'oun, et ceux qui ont étudié avec ceux-là, c'est-à-dire les élèves des tabi'oun qu'on appelle tabi'oun tabi'in. Donc c'est les trois meilleures générations au sujet desquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs hommes sont ceux de ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc c'est les trois générations qui sont les plus pures les plus fortes dans leur foi, dans leur compréhension, dans leurs applications de l'islam, dans leur guidance, et dans tout ce qu'il y a dans la religion. Ce sont les trois meilleures générations. Et donc leur compréhension, c'est la meilleure de toutes les compréhensions, et c'est vers cette compréhension-là qu'on doit retourner si on veut réellement comprendre correctement le Coran et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien il dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. » Le verset 59 dans Surat al-Nisa qui signifie « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah, renvoyez-le à Allah et à son messager. Si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. » Donc, pour ramener les choses à Allah et à son messager, c'est-à-dire au livre d'Allah et à la Sunna, eh bien, il faut avoir de la science. Hein? Il faut avoir de la science. Et lorsque les musulmans trouvent ce genre de problème parmi leurs rangs, eh bien, ils doivent ramener les choses à la science du Coran et de la Sunna pour que ce soit que les choses soient pesées. Mais si on trouve des musulmans et que parmi leurs rangs, lorsqu'il y a des divergences, ils ne les ramènent pas au Coran et à la Sunna, ils ne ramènent pas à la science, eh bien, c'est là que on voit se produire encore plus de problèmes, plus de divisions. Et vous allez constater et remarquer que dans les endroits où il y a peu de ulama, où il n'y a pas de ulama même, parfois, comme dans les pays de l'Europe ou de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, où on ne trouve pas de savants de l'islam, on ne trouve aucun ulama, eh bien vous voyez beaucoup plus de divergences que dans les pays où il y a du ilm et des ulama pour répondre à nos questions et clarifier nos problèmes. Et il y a même des ulama qui ont expliqué et qui ont mentionné que si quelqu'un vit dans un endroit où il n'y a personne qui peut lui répondre dans ses questions qu'il a besoin de connaître pour établir et appliquer sa religion, qu'il est obligatoire pour lui de quitter cet endroit-là pour aller vivre là où il y a des gens qui pourront répondre aux questions qu'il a besoin de connaître pour établir sa religion. Hein? Donc ça nous montre l'importance. Des fois, il t'arrive juste un problème et tu trouves personne à qui demander la question pour trouver la solution ou la réponse à ce problème. Hein? Et donc ça montre la gravité du fait d'être éloigné des ulama et des hommes de science. Et si on retrouve par la suite des divergences entre des individus et entre des groupes et entre des organisations et entre des associations, entre des partis qui se disent musulmans, eh bien c'est pas surprenant par la suite. Et donc celui qui oppose le livre d'Allah, qui oppose les textes clairs et explicites de la religion, alors qu'elles sont apparentes et claires, et qui les dénigre, il dénigre qu'est-ce qui est dans la révélation, et oppose qu'est-ce qui est dans la révélation par sa raison, par sa propre compréhension, et il met au devant de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna ses nombreuses opinions, hein, et il se place lui-même devant la révélation, alors la personne qui agit comme ça ne pourra jamais arriver à aucune unification, aucune unité. Parce que les musulmans, on entend beaucoup d'entre eux parler du fait de s'unir. Hein? Il faut que les musulmans s'unissent. Et on doit être unis. Hein? Et ça, c'est notre objectif. C'est un de nos objectifs. C'est une des choses que le musulman doit essayer de faire. Mais il faut savoir que pour s'unir, il y a des conditions, il y a des règles. On ne va pas s'unir sur n'importe quoi. Il faut s'unir sur la vérité. Il faut s'unir sur le Coran et sur la Sunna. C'est pas que tout le monde reste sur les idées qu'il a. Hein? Chaque personne reste sur son opinion personnelle qui est en opposition avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et puis par la suite il appelle les autres à s'unir et à rester avec lui sans clarifier et corriger les erreurs qu'il a. Une unité comme ça, c'est pas une réelle unité et ça va jamais régler les problèmes. Donc, il faut comprendre la vraie signification. Parce qu'il y en a qui vont répéter le slogan que vous allez entendre, que vous avez déjà entendu souvent, de ceux qui disent, on s'unit sur les choses sur lesquelles on est d'accord, c'est-à-dire on va travailler ensemble et on va collaborer ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et on va s'excuser les uns les autres sur les choses dans lesquelles il y a des divergences entre nous et sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et ils appliquent ce principe-là même dans les divergences sur les fondements même de la croyance islamique, de la aqida, et sur les bases de l'islam. Et ils veulent qu'on s'excuse les uns les autres dans ces oppositions-là à la vérité. C'est-à-dire que même si quelqu'un est dans le batil, et dans le dalal, dans l'égarement et dans la fausseté totale, tu dois l'excuser. Et tu dois l'accepter. Et tu dois quoi ? Travailler avec lui, collaborer avec lui dans les choses sur lesquelles on est d'accord. Hein? Et ça, c'est un slogan d'égarement total. Parce que ça, c'est quelqu'un qui appelle à cette idée-là, c'est comme s'il était en train d'appeler à augmenter encore plus l'égarement et la division parmi les musulmans et dans la Ummah. Mais malheureusement, c'est le slogan qui est enseigné et propagé et encouragé. Hein, dans certaines communautés parmi les musulmans, Allah al-Musta'an. Donc comment on peut réunir les rangs si les gens se basent sur ce genre de slogan où dénigrent la sunna, donnent peu d'importance à la aqidah, donnent peu d'importance au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prennent leur opinion et la place devant les opinions, hein, ou bien yani les opinions des ulama, ou bien bien entendu, ils placent même leur opinion personnelle devant le Coran et devant la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça c'est encore plus grave. Donc on ne peut pas arriver à une unification avec ces genres de choses-là. Est-ce qu'on peut s'unir avec des gens qui, pour eux, la religion est établie sur qu'est-ce qu'ils trouvent dans les rêves de leur chouyour? Hein? Un, il vient et dit, mon cheikh, il a rêvé à telle chose, c'est ça la religion pour moi. Hein? Son cheikh, il arrive et dit, ben moi j'ai vu dans un rêve qu'il faut faire tel dhikr, qu'il faut faire la salat de telle façon, qu'il faut faire la da'wah de telle façon. Hein? Comme Jama'at Tablir, le fondateur, Mohamed Elias Al-Kandahlawi, il a eu un rêve et il dit que dans son rêve, on lui a montré comment faire la da'wah et que c'est la seule façon maintenant qu'on doit faire la da'wah. On n'a pas le droit de faire la da'wah d'une autre façon que cette façon-là. Hein? Et tu vois ces gens-là, d'une façon très fanatique, essayer de propager leur façon, leur compréhension, ou la compréhension que leur cheikh a établie. Et que si tu n'es pas d'accord avec ce que ce cheikh-là a dit, pour eux, tu es dans l'égarement. Hein? Malgré que lui, c'était quelqu'un qui était sur la tariqa al-jistiyya, une des turqs soufis, parmi les turqs d'égarement. Et qui fait partie des gens qui sont de l'école qu'on appelle l'école des Diobandiyya, qui est une école en Inde, hein, qui est une école qui enseigne le fanatisme, c'est-à-dire le fait de s'accrocher de façon fanatique et aveugle à l'opinion d'un madhab, en particulier le madhab de Abu Hanifa, rahimahullah, et qui enseigne la aqida des maturidiyya. Et lorsqu'on parle donc des questions qui ont rapport avec le tawhid, eh bien, ils enseignent le tawhid selon la compréhension de la secte des maturidiyya. Les maturidiyya, pour eux, il n'y a qu'une seule façon, une seule catégorie de tawhid. C'est tawhid al-rububiyya. L'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans la souveraineté. Tawhid al-ibada, tawhid al-asma al-sifat, ça n'existe pas pour eux. Même qu'ils ne font qu'affirmer que 7 ou 8 attributs. Ils n'affirment que 7 ou 8 attributs, comme les Asha'ira. Le reste, il ne les affirme pas, il les déforme de leur sens. Ça, c'est la aqida des Maturidiyya, dans l'asma wa sifat et dans le tawhid. Et ils ont d'autres erreurs également dans la définition de la foi, puisque les actions pour eux n'entrent pas dans la réalité de la foi. Donc ils sont des murji'a dans l'iman. Ils font partie de la secte des murji'a. Et quand on va parler du qadar, eh bien ils ont des erreurs dans cet aspect-là également. Donc ça c'est la aqida de qui? La aqida du fondateur de Jama'at al-Tabligh. Et ceux qui sont avec lui dans son groupe, c'est la même chose. C'est des gens qui ne vont pas condamner, par exemple, que quelqu'un porte une amulette. Parce que pour eux, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'autres égarements et de croyances comme ça. Donc, ils ont établi leur groupe sur une allégeance, une bay'a, à quatre turuq soufiyya. Al-Naqshbandiyya, qui est une des turuq d'égarement. Al-Jistiyya, qui est une autre tariqa parmi les turuq soufiyya, qui sont des turuq d'égarement. Al-Saharwardiyya, aussi une autre tariqa parmi les turuq d'égarement. Al-Saharwardi, il a été exécuté à cause de ses hérésies. Et il faisait des du'as, il demandait à Allah de faire de lui un prophète. Ça fait partie des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve chez plusieurs d'entre les shuyukh des soufis. En fait, beaucoup de ces shuyukh, ils veulent se prendre pour des prophètes. Et ils veulent essayer de même parfois se mettre au-dessus des prophètes d'Allah. Et une autre tariqa qu'on appelle la tariqa al-Qadiriyya. Ça, c'est quatre turuq que ces gens-là, auxquels ils ont donné l'allégeance, c'est-à-dire le fondateur de cette tariqa, il a établi cette tariqa sur ces quatre voies. Et c'était dans le but d'essayer de les unir. Pour opposer quoi? Pour opposer la da'wa du tawhid, la da'wa de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la da'wa salafiyya, la da'wa salafiyya, la da'wa qui amène les gens à suivre la compréhension des salaf al-salih, des sahaba et des tabi'in, des tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc, est-ce que des gens qui ont des compréhensions comme ça de l'islam, qui est basée sur toutes sortes de différentes sectes, toutes sortes de divergences, est-ce que c'est possible pour eux de s'unir? Et vous allez voir que ces gens-là vont dire, il ne faut pas parler de aqidah ou de tawhid. Ça va diviser les musulmans. Donc il faut éviter ces problèmes-là. Il faut parler juste des choses sur lesquelles on est tous d'accord. Et donc ils parlent de choses sur lesquelles personne ne va diverger. Des choses que tout le monde accepte seulement. Mais les vraies questions de fondement de la religion, sur lesquelles il y a des gens qui ont dévié, ils refusent de les clarifier et de les expliquer aux musulmans, alors que ça c'est nécessaire, c'est même obligatoire. Et si on parle de la secte des frères musulmans, c'est la même chose, al-Ikhwan al-Muslimoun. Et bien si on compare le fondateur de Jama'at al-Tabligh avec Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, et bien c'est la même chose. On retrouve plein de choses en commun entre ces deux fondateurs de sectes ou de groupes contemporain. Hassan al-Banna était un soufi lui-même, comme Mohamed Elias. Et il faisait partie de ceux qui sont sur la tariqa al-Husafiyya. Il a donné une bay'a au cheikh de cette tariqa. Et il a grandi dans le soufisme, et dans les bid'a, et dans les croyances d'égarement et des superstitions, et les pratiques de bid'a et d'égarement. Il a grandi là-dedans depuis son enfance. Et il fait partie des gens qui ont la aqida des Asha'ira. Il a écrit un livre même sur ça. Un livre qu'il appelait Al-Aqa'id. Et dedans, il supporte la aqida des gens de Kalam. Et il essaie même d'attribuer aux salaf une aqida de bid'a. Il prétend que le tafwir, c'est la aqida des salaf. Alors que c'est un grand mensonge. Le fait de prétendre que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, c'est comme des mots en chinois, on ne peut pas les comprendre. Et il faut remettre leur signification, il faut s'en remettre à Allah dans leur signification, on ne peut pas les comprendre ou les connaître. Et c'est faux, puisque les salaf salih, les sahaba et ceux qui les ont suivis, ils connaissaient la signification des attributs d'Allah. Et ils les expliquaient. Qu'est-ce qu'ils renvoyaient à Allah et qu'est-ce qu'ils remettaient à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le commun, al-kayf. Le commun de ces attributs-là. Et c'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, imam Dar al-Hijra, lorsqu'on lui a posé la question, الرحمن على العرش استوى كيف استوى, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône, comment s'est-il élevé, hein? Et bien l'imam Malik rahimahullah, lorsqu'il a entendu cette question là il s'est mis en colère, hein, et on a vu la sueur sortir de son front, hein, et il a répondu, il a dit al-istiwa au ma'loum, al-istiwa en arabe, c'est quelque chose qui est connu. Tous les Arabes savent la signification de ce mot. C'est le fait de s'élever. Al-ulu wa l'irtifa. C'est ça la signification de al-istiwa. Donc ils connaissent la signification. Wal-kayfu majhul. Et le commun est inconnu. C'est-à-dire c'est le commun qu'on ignore. Et il a dit al-imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a. Et le fait d'y croire est une obligation, et le fait de questionner à propos de ce genre de choses, c'est une innovation dans la religion, de demander le commun. Donc le commun, oui, on le remet à Allah, c'est seulement Allah qui sait comment il est lui-même. Et on ne peut décrire Allah excepté que parce qu'il a mentionné lui-même dans son livre, et que parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la sunnah. Et ce qu'il a affirmé, on l'affirme, et ce qu'il a nié, on le nie, et on s'arrête à la révélation. Et comme les salafs disaient, Amirruha kama ja'at bila kayf, c'est-à-dire prenez-les tels qu'ils sont, comme ils sont, sans demander le comment. Hein? Et d'autres parmi les salafs disaient, Tafsiruha tilawatuha. L'explication de ces versets, de ces hadiths, c'est de les réciter, de les mentionner tels qu'ils sont. Puisque ce sont des choses qui sont connues chez les musulmans et chez les arabes de l'époque. Tout le monde comprenait la signification de ces mots-là. Et parmi les autres égarements et bid'as qui sont ramenés par ces gens-là, par exemple, le fait d'appeler les musulmans à faire partie d'un groupe ou d'une secte politique et de vouloir réunir les musulmans de toutes les tendances sous ce groupe-là. Hein? Et donc c'est pour ça que quand il décrit son groupe, il dit que c'est un groupe qui est salafi-soufi. Hein? Deux termes totalement contradictoires. Hein? C'est comme sunni-bid'i. Est-ce que tu peux être sunni et bid'i en même temps? C'est soit tu es sunni ou tu es bid'i, ou soit tu es bid'i, mais tu ne peux pas être bid'i et sunni en même temps, un ou l'autre. Hein? Donc salafi, soufi, ça n'existe pas. C'est comme tu dis musulman, chrétien. Hein? Donc c'est des exemples comme ça. Et le fait d'appeler les musulmans à renverser les dirigeants dans les différents pays musulmans, hein? Et d'appeler à la révolte et aux manifestations, tout ça, ça représente une opposition, une contradiction du manhaj des salaf al-salih. Puisque chez eux, c'est une question de consensus. Il y a une ijma sur le point que le musulman est obligé d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans le bien. Et que même s'il est injuste, hein, même s'il est injuste ou qu'il fait des péchés, il est interdit de se rebeller contre lui ou d'appeler les musulmans à se rebeller contre lui. Ça, c'est quelque chose qui est établi par le Coran, par la Sunna, un nombre incalculable de hadiths qui prouvent ce principe-là, sans compter les différentes narrations et paroles des ulama parmi les sahaba, les tabi'in et les tabi'in et ceux qui les ont suivis par la suite, ils sont tous d'accord sur cet élément-là et sur cet aspect-là. Et on le retrouve dans tous les livres de la Sunna et de l'Aqidah qui ont été écrits par les grands imams, parmi les imams des Salaf al-Salih. Et ceux qui ont divergé sur ça, parmi les musulmans, sont les gens de Bid'ah, parmi les Khawarij, et les Mu'tazila, et les Rafida, et les autres sectes d'égarement. Hein? Donc ceux qui appellent les musulmans à ces choses-là, et puis par la suite, ils disent qu'il faut s'unir, ces gens-là, ils n'arriveront jamais à cet objectif. Tant qu'ils ne se repentent pas et tant qu'ils ne reviennent pas au Coran et à la Sunna et à la voie et à la compréhension des salafs salih. Hein? Donc le cheikh il dit, comment on peut s'unir avec des gens comme ça qui disent par exemple, vous prenez votre religion d'un mort qu'il l'a transmis à un mort. Il parle des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des chaînes de transmission. Ils disent ces hadiths là sont rapportés par des morts qui l'ont transmis à des morts et à des, c'est-à-dire les gens maintenant ils sont plus vivants. Ils disent nous on prend notre religion directement du vivant, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant dire que certains d'entre ces gens-là ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala leur révèle la religion directement dans leur cœur. Ils n'ont pas besoin de prendre la religion par l'intermédiaire de la révélation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des ulama qui ont suivi. Hein? Ils disent Haddathani qalbi an rabbi. Il dit mon cœur me dit selon mon Seigneur ou de ce que mon Seigneur a mentionné. Donc il n'en a pas besoin de hadith. Donc comment on peut s'unir avec des gens comme ça? Hein? Allah al-musta'an. Comment on peut s'unir avec des gens qui disent nous on se base sur notre logique et on met notre logique devant le Coran et devant la Sunna. Et quand on leur dit mais non ça c'est pas correct, vous devez mettre le Coran et la Sunna devant votre raison, ils ramènent comme argument de dire que c'est notre raison qui nous a montré, hein, la véracité du Coran et de la Sunna. Donc ils disent si on laisse passer la révélation devant la raison, eh bien c'est comme si on a inversé les preuves. Hein? Et donc ça c'est leur excuse ou leur prétexte. Toutefois, il y a une chose qui est importante à comprendre. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit un livre justement pour répondre à ce genre de shubuhat, un livre qui s'intitule Dar al-Ta'arud al-Aql wal-Naql. Il a dit qu'il n'y a aucune contradiction possible entre la raison saine et la révélation authentique et claire. C'est pas possible qu'il y ait une contradiction entre ces deux choses-là. Donc ce que ces gens-là prétendent, c'est uniquement, hein, des conjectures, puisque la raison saine ne va jamais contredire la révélation authentique. Et si on trouve une contradiction entre la révélation authentique et la raison, eh bien c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Mais ce n'est pas dans la révélation quel est ce problème-là, c'est probablement dans la compréhension de la personne elle-même. De même que entre les gens qui prétendent vouloir se référer à leur logique ou à leur raison, on trouve entre eux plein de divergences. Tu vois une personne qui dit moi je me base sur ma raison et sur ma logique et je dis que d'affirmer telle chose c'est ça qui est la logique. Et un autre parmi ces soi-disant philosophes ou rationalistes, il te dit le contraire de ce que l'autre a dit, puis lui aussi il prétend que ça c'est la raison. Donc on va se baser sur la raison de qui et la logique de qui si on veut dans ce cas-là établir la vérité. Et comme le cheikh le mentionne, il dit dans ce cas-là, ces gens-là en réalité, qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire? C'est plutôt, au lieu de dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ils devraient plutôt dire Ashhadu anna Aqli Rasulullah. Ils devraient plutôt dire je témoigne que ma raison, c'est le messager d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas, hein? Le messager d'Allah, il croit uniquement à leur raison et ils mettent leur raison devant cette révélation. Allah al-Musta'an. Et donc, pour montrer l'exemple de ça, les salafs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Par exemple, Mutarrif ibn Shikhir, il a dit لو كانت الأهواء واحدا لقال القائل لعل الحق فيه فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. C'est-à-dire qu'il a dit que si toutes les passions et les divergences, toutes les passions et les bid'ah, les innovations étaient une seule, on aurait pu dire peut-être que la vérité est dans ça. Mais lorsqu'on les a vues toutes divergentes et divisées, n'importe quelle personne qui a un minimum de logique ou de raison va savoir que la vérité ne se divise pas. Hein? Et c'est rapporté selon Ishaq ibn Isa que l'imam Malik a dit, il a rapporté selon l'imam Malik, il dit à son sujet, que l'imam Malik ibn Anas, il blâmait, il critiquait le fait de disputer et d'argumenter dans la religion, de faire des disputes et des argumentations au sujet de la religion. Et chaque fois que, il disait, l'imam Malik disait souvent, chaque fois qu'un homme vient et qu'il sait mieux argumenter qu'un autre, est-ce qu'on va laisser ce que Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'est-ce que Jibril a ramené au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de son argumentation? Et c'est rapporté également que l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, il était un jour dans la mosquée. Et un homme est venu qui s'appelait Abul Juwayriya. Et cet homme-là était accusé d'être dans la secte des Murji'a et de croire en la bid'a de l'Irja. Al-Irja, c'est-à-dire ceux qui excluent les actions de la foi. Hein? Donc cet homme est venu pour parler avec l'imam Malik. Il a dit, « Ya Aba Abdillah, oh Aba Abdillah, écoute-moi, je veux te parler, je veux argumenter avec toi, je veux te donner mon opinion. » Et l'imam Malik a dit, « Et si tu as le dessus dans l'argumentation, et que c'est toi qui as le dessus sur moi, qu'est-ce que je vais faire? » Il a dit, « Dans ce cas-là, si moi j'ai le dessus sur toi, tu dois me suivre. » Alors l'imam Malik a dit, « Et si un autre homme arrive et qu'il a le dessus sur nous deux, qu'est-ce qu'on va faire? » Il a dit, « Mais dans ce cas-là, on va suivre celui-là. » Alors l'imam Malik, il a dit, « Sache que par celui qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé avec une religion unique. Tandis que toi, je vois que tu changes à chaque fois de religion. » Hein? Alors il lui a dit, comme si en voulant dire, je vois que toi tu changes à chaque fois de religion. Et Omar ibn Abdul Aziz a dit, celui qui place sa religion à la merci des disputes et des débats dans la religion, eh bien il change beaucoup. Il commence à changer de religion beaucoup de cette façon-là. Donc celui qui place sa religion à la merci des débats et des disputes et des argumentations dans la religion, il va changer à chaque fois. À chaque fois qu'il va débattre avec quelqu'un, la personne lui met des choubouhats dans qu'est-ce qu'il croit, eh bien il commence à changer d'opinion. Et il essaie de suivre celui qui a le dessus sur lui. Et ça en même temps, c'est un des principes parmi les principes des imams, parmi les salafs, et un des fondements, parmi les fondements de la sunna, l'interdiction d'entrer dans des débats et des argumentations et des disputes au sujet des fondements de la religion. Que ce soit avec des gens de bid'ah de différentes tendances, peu importe la tendance, des khawarij, les Qutbiyin, les Sururiya, hein, et d'autres groupes d'égarements, parmi les groupes d'égarements qui existent, comme les Ahbash ou autres, de rentrer dans des débats avec eux, c'est quelque chose que les salafs ont interdit. Et ils ont mis en garde contre ça. Et c'est pas important que ce soit seulement un débat ou une dispute ou une argumentation que tu fais face à face. Tu dis, je vais débattre avec eux sur Internet. Je vais rentrer sur un forum des gens de Bid'ah et je vais rentrer pour les appeler à la Sunna. Hein? Ça aussi, ça rentre dans qu'est-ce qui n'est pas correct et qu'est-ce qui est interdit par les imams des salafs. Puisque tu rentres dans ces forums, tu commences à débattre et eux, ils te jettent des choubouhats et toi, tu n'as pas la réponse parce que tu as la science qui est limitée et donc tu ne sais pas comment répondre et donc tu restes bloqué par la suite. Hein? Même si tu veux défendre la vérité, tu as une bonne intention, mais la bonne intention, ce n'est pas suffisant par rapport à ces questions-là. Hein? Et donc, on n'a pas le droit de mettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à la merci de ce genre de débat ou de ce genre d'argumentation dans laquelle celui qui a le dessus, c'est lui qui gagne, hein, même si il est sur le batil, et celui qui perd le débat, eh bien, c'est lui qui perd, même s'il est sur al-haq. Par rapport à ce que les gens vont penser. Et donc, comme le cheikh explique, il dit les salafs, ils n'acceptaient pas ce genre de choses-là. Et quand quelqu'un venait les voir pour débattre et qu'ils connaissaient leur objectif dans ce débat-là, il leur disait, nous, notre religion, elle est claire. Et on l'a compris. Toi, si tu es dans le doute par rapport à ta religion, va chercher quelqu'un qui est dans le doute comme toi pour débattre avec lui. Moi, ma religion, pour moi, elle est claire. Et c'est comme ça que les salafs agissaient avec les gens de cette catégorie-là. Parce que le musulman, il doit être sur les preuves et sur qu'est-ce qui est clair. Et les évidences claires des preuves du Coran et de la Sunna par rapport à sa religion. Et il ne peut pas donc rentrer dans les débats sur ces choses-là avec quiconque. Hein? Et il va être il va mettre l'islam et la Sunna à la merci de ces gens-là. Hein? Non. Le Coran et la Sunna, c'est le haq. Et il n'y a personne qui peut se mettre au-dessus de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna sur ces choses-là. Donc tu restes sur le Coran et la Sunna. Tu t'accroches sur le Coran et la Sunna et tu ne mets pas ta religion à la merci de la corruption et des passions et des gens de bid'ah. Hein? Et le cheikh il dit, excepté pour les ulama qui sont fermement enracinés et fermes dans la religion d'Allah, ceux-là, ils rentrent parfois dans des argumentations, dans des débats avec les gens de bid'ah dans le but d'établir la preuve contre eux et pour clarifier la déviation de leurs fausses croyances. Hein, et la fausseté de ceux qu'ils suivent. Mais bien entendu, dans des circonstances, dans des contextes bien précis. Hein, comme lorsque, par exemple, certains d'entre les salafs ont dû défendre la sunna par rapport aux gens de bid'ah, comme l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il était appelé devant le dirigeant et qu'il était en opposition avec différents groupes de bid'ah parmi les soufis, les asha'ira et d'autres. Il devait défendre le haq et il y avait le dirigeant qui était là comme témoin pour établir la justice entre les personnes qui allaient débattre ou argumenter. Mais si c'est juste deux personnes et que la personne n'est pas ferme dans sa religion, elle rentre dans des disputes ou dans des désaccords avec des gens de bid'ah, tu ne rentres pas dans ces questions-là. Si c'est un musulman, un ami ou quelqu'un qui fait partie du commun des musulmans et qui a été affecté par une shubha, hein, et que toi tu connais certains principes ou certaines bases et que cette personne là elle n'est pas parmi ceux qui appellent à cette bid'ah, mais elle est mélangée, elle est confuse, et que tu es capable de lui clarifier, tu lui clarifies ce que tu peux, tu lui donnes un livre, tu lui donnes des audios pour entendre les paroles des ulama. Mais si tu vois que la personne commence par la suite à débattre ou vouloir argumenter avec toi dans la bid'ah, eh bien dans ce cas-là, tu la délaisses, hein, et tu restes sur ta position. Donc, la science du Coran et de la Sunna, et de ramener les choses au Coran et à la Sunna, ça c'est parmi les remèdes les plus efficaces pour traiter la divergence et la division entre les musulmans. Et tu vas constater que chaque personne vient, il prétend qu'il suit le Coran et la Sunna lui aussi, hein? Et comme disait souvent, comme disait le poète, wa kullun yad'i waslan bi layla wa layla la tuqir lahum bi dhaka. Tout le monde prétend avoir un lien avec Layla, mais Layla, elle nie qu'est-ce que ces gens-là prétendent. C'est-à-dire, c'est pas suffisant juste de dire nous on suit le Coran et la Sunna, parce que tout le monde peut prétendre. Mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est de ramener les preuves et d'être capable de le prouver et d'établir la preuve. Souvent, qu'est-ce que les gens font, c'est qu'ils pensent à quelque chose dans leur esprit ou dans leur tête, une croyance qu'ils pensent, eux, être la vérité, et ils s'imaginent que parce que, pour eux, c'est quelque chose qui semble être la vérité, donc c'est ça l'islam, puisque l'islam, c'est la vérité. Ils font ce calcul. Toutefois, quand tu leur demandes de le prouver, ils ne sont pas capables de le prouver. Et c'est pour cette raison-là que souvent, qu'est-ce qu'ils font, les gens de bid'ah, c'est qu'ils s'inventent des croyances. Et après, ils vont voir dans le Coran et dans la Sunna pour essayer de trouver qu'est-ce qui va supporter ces croyances qu'ils se sont inventées eux-mêmes. Et quand ils trouvent des choses qui sont en contradiction avec cette croyance-là, ils vont essayer de déformer le sens des textes pour essayer de justifier ou de supporter ce qu'ils ont inventé. Hein? Et c'est ça l'attitude de ces gens-là en général. Et la même chose pour ceux qui parfois se prétendent appartenir aux salaf et suivent les salaf, alors qu'ils font partie des groupes qui font le takfir ou qui suivent la voie de ces kutub, hein, ou des sururiyas, Mohamed Zain Abidine Surur ou d'autres parmi les hizbiyins de notre époque qui prétendent parfois appartenir à la salafia alors qu'ils sont innocents et qu'ils sont, ils ont rien à voir avec la salafia. Eh bien tu vois, ces gens-là parfois ils agissent de cette manière-là, hein, ils prétendent quelque chose, ils essaient de l'attribuer au salaf alors qu'ils n'ont aucune preuve de qu'est-ce qu'ils prétendent par rapport aux imams et aux ulama des salaf. Aucune citation, aucune référence. Même que dans les paroles des salaf, tu trouves le contraire de ce qu'ils affirment. Hein? Donc, toute personne qui prétend être sur la vérité ou dire qu'il est sur la vérité parmi les gens de bid'ah, et Annie, c'est pas suffisant. Il n'y a pas un moubtadir qui va venir te voir, puis qui va te dire, moi je suis sur la bid'ah. Hein? Il n'y a pas un kafir ou un mushrik qui va venir te voir pour te dire, moi je suis sur la fausseté. Qu'est-ce que ma religion, elle est fausse. Hein? Si les gens faisaient ça, et Annie, ce serait bien plus simple. Mais il n'y a personne qui fait ça. Puisque tout le monde veut essayer de prouver que ce qu'il suit, c'est ça la vérité. Hein? Mais comment on fait dans ce cas-là pour distinguer entre ceux qui prétendent et ceux qui disent qu'ils suivent la vérité et ceux qui sont réellement sur la vérité? C'est avec les preuves et en établissant les preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des salaf al-salih. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne donc d'établir ça, le Coran et la Sunna, et de ne pas mettre rien devant. Ya ayyuha alladhina amanu « La tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasoolih »« Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager »« Wa taqullah » et craignez Allah. » Et l'imam Ibn al-Qayyim, il explique ce verset et il dit « Ey, la taj'alou bi qawlin, la ta'jalou bi qawlin wa la fi'lin qabla an yakoul rasoolullah ou yaf'al » sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas à dire une parole ou à faire une action avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'ait dit ou l'ait fait. Hein? Le cheikh dit ça, c'est une très belle parole. l'interdiction de devancer Allah et son messager. C'est-à-dire, tu ne dois pas avoir une aqidah avant que cette aqidah-là, elle soit établie par le Coran et la Sunna. Donc, tu lis qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ensuite tu crois. C'est pas tu vas croire à quelque chose, puis après tu cherches à le justifier par qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ça c'est la voie des gens de la passion. Et tu, yani, établis ta religion selon ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et tu vas pas l'inventer, puis ensuite essayer de suivre tes passions en essayant de déformer l'essence des textes par la suite. Tu ne vas pas essayer de faire une adoration, excepté ce qui est établi par le Coran et la Sunna, et ainsi de suite. Donc, la ta'jalou bil-qawl, tout ce qui a rapport avec la croyance, wa la bi-fi'l, tout ce qui a rapport avec les actions, l'adoration, et ainsi de suite. Donc, celui qui ramène des croyances qui ne sont pas prouvées par le Coran et la Sunna, il a dépassé, il a dévancé Allah et son messager. Il essaie de justifier et d'approuver des choses selon sa logique. Et il veut la propager parmi les musulmans. Et lorsqu'il propage ça parmi les musulmans, qu'est-ce que ça fait comme résultat? Ça crée de la division. Ça divise les rangs parce que c'est quelque chose qui est basé sur la passion. C'est pour cette raison-là que l'imam Malik ibn Anas, il a dit une parole très grande, très importante, au sujet de la mise en garde vis-à-vis de cette catégorie de personnes. Il a dit « Man qala fi d-dini bid'atan hasana, man qala fi d-dini bid'atun hasana, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. » لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أول الأمة. Donc, qu'est-ce que ça signifie cette parole de l'imam Malik? Ça dit, celui qui dit que dans la religion, il y a une bid'a qui est bonne, comme la plupart des gens de bid'a, parmi les soufis, parmi les ahbash, parmi les autres groupes, les ikhwan et autres, et les tabliriens, la même chose. Quand tu leur parles, tu leur dis, qu'est-ce que vous faites, c'est bid'a? Ils disent, oui, ok, c'est bid'a, mais sauf que c'est une bonne bid'a. Ok, c'est une innovation, mais c'est une bonne innovation. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là, l'imam Malik? Rahimahullah. Il dit, celui qui dit que dans la religion il y a une bid'a qui est bonne, c'est comme s'il a prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait trahi la révélation. Il a trahi le message d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion pour vous et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc il dit l'imam Malik ensuite après ce verset là, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba, alors aujourd'hui ça ne fait pas non plus partie de sa religion. Et il dit que la fin ou les derniers de cette umma ne seront pas réformés excepté par ce que les salafs ont utilisé pour réformer les premiers musulmans. Donc, les premiers de cette umma, par quoi on les a réformés? Par le Coran et par la Sunna. Donc, les derniers de cette umma, eux aussi, doivent être réformés par le Coran et par la Sunna. La troisième solution à ce problème de la division, c'est quoi? Et ça, c'est très important. C'est la suite du verset « Munibina ilayh ». Munibina ilayh. Munibin, ça vient de « inaba ». Al-inaba, c'est une repentance. C'est le fait de revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il demande de revenir vers lui. Et le cheikh explique que ça c'est la troisième solution qui est mentionnée dans ce verset pour résoudre à la division, qui se produit entre les gens, c'est-à-dire al-inaba, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, de laisser de côté toutes les divisions et les divergences et les causes de ces divergences-là, c'est-à-dire d'appeler les musulmans à abandonner la bid'ah, d'appeler les musulmans à délaisser les sectes et les groupes et les tendances. Donc tu te dis quoi? Tu vas voir les musulmans qui sont avec Jama'at al-Tablir, avec les Ikhwan, avec les Rafida, avec les Khawarij, avec les Takfiriyin, avec les Mu'tazila, avec les Jahmiya, avec les Asha'ira, avec les Maturidiyya, avec les Qadariyya, et avec toutes les autres Turuq, parmi les Turuq Soufiyya, et toutes les tendances et toutes les sectes, et tu leur dis, abandonnez les bid'ah. Laissez-les de côté et accrochez-vous uniquement à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et dans la compréhension des salafs salih et unissons-nous sur ça. Tout le reste, on le rejette. Tout ce qui est en opposition et en contradiction avec le Coran et avec la Sunna et avec la voix des Sahaba et la compréhension des salafs, on le rejette. Et on reste unis sur le haq et sur la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui va nous unir que ça. Hein? Et de se repentir de l'erreur et de l'égarement. Et de s'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. De revenir à Allah. De revenir à la religion d'Allah. De s'accrocher au Coran. De s'accrocher à la Sunna. Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, un des imams parmi les salafs, parmi les tabi'in, il disait, ceux qui nous ont précédés parmi nos ulama disaient que de se cramponner à la sunna, c'est le salut. Hein? Al-i'tisamu bis-sunna najat. Donc, si vous voulez le salut, vous devez vous accrocher au Coran et à la sunna. Donc, on appelle tout le monde qui a une bid'ah, qui a une passion, quelque chose qui n'est pas capable de prouver ou justifier dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans ses actions, et qui n'est pas supporté ni par le Coran, ni par la Sunna, ni par l'exemple des Sahaba, ni par l'exemple des imams du Hadith, parmi les imams des Salaf, parmi les imams des quatre Madahib, hein, qui étaient sur la Sunna et qui font partie de nos Salaf, de laisser tomber toutes ces innovations-là. La quatrième solution, وَاتَّقُوهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ, ça veut dire التقوى, d'avoir la piété et la crainte d'Allah. Et ça, c'est la base de la religion. C'est la base de toute chose. Et les ulama ont défini at-taqwa de différentes façons. L'imam ibn Taymiyyah, l'imam ibn al-Qayyim, l'imam al-Dhahabi et d'autres parmi les imams de la science ont mentionné comme définition la définition de Talq ibn Habib rahimahullah au sujet de at-taqwa. Et il a dit que at-taqwa, c'est quoi? C'est le fait d'agir selon l'obéissance d'Allah, avec une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science. Tu espères la récompense d'Allah et tu abandonnes la désobéissance d'Allah. Tu espères hein, la récompense d'Allah pour avoir fait cet acte d'adoration-là. Maintenant, ça c'est l'aspect de qu'est-ce qui est l'obéissance. À quoi c'est ça? Tu fais l'obéissance d'Allah avec connaissance et tu espères hein, la récompense d'Allah pour ça. Et tu abandonnes la désobéissance, le péché. Avec connaissance et science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu crains le châtiment d'Allah. C'est ça, at-taqwa. C'est pas juste la crainte. Parfois on définit ou on traduit ça rapidement, on dit la crainte d'Allah. Ça se limite pas juste à la crainte. La crainte c'est juste une partie de at-taqwa. Mais at-taqwa c'est plus large que ça. Et at-taqwa c'est en fait, quand on parle de taqwa, les ulama ils donnent comme exemple parfois que c'est de mettre entre soi-même et le châtiment d'Allah et la colère d'Allah une protection. Donc taqwa, ça vient de wiqaya, de chercher une protection entre soi-même et le châtiment d'Allah. Et ça, c'est en faisant ce que Allah nous ordonne et en s'écartant de ce qu'il nous a interdit. Donc on dit à ceux qui divergent et à ceux qui sont dans la division de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'obéir à Allah et de s'écarter de sa désobéissance, dans les croyances, dans les pratiques, dans les principes, dans les bases et dans les branches de la religion. La cinquième solution, wa aqimu salat, et d'établir la salat. Et dans le fait d'établir la salat, il y a quelque chose qui réunit les cœurs et qui réunit la parole également. Et c'est pour ça que les hommes ont été ordonnés de la faire en groupe. Warka'u ma'a raki'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, il a mentionné que personne ne s'écartait de la prière en groupe, excepté quelqu'un qui était connu comme étant un hypocrite, un munafiq, ou quelqu'un qui était malade. Hein? Et parfois même, une personne qui n'était pas capable de marcher, il était traîné par deux autres personnes qui le tenaient, hein, pour l'amener jusque dans le rang qu'il prie. Donc, le fait de prier en jama'a avec les musulmans, hein, tout ça, ça fait partie des choses qui aident les musulmans à être unis. Et le fait de garder la salat et ainsi de suite, ça raffermit et ça augmente l'amour qui existe entre les musulmans. Donc ça, c'est une des grandes solutions par rapport à la division. Et la sixième solution, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ne soyez pas du nombre des mushrikoun, ceux qui font le shirk, qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, les idolâtres, les gens qui adorent les idoles, ceux qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça signifie que un des plus grands remèdes, et les plus importants parmi tous les remèdes pour régler la division entre les musulmans, c'est, hein, de purifier notre religion pour qu'elle soit uniquement pour Allah, et de se réunir sur le tawhid, l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et qu'ils s'unissent sur le fait de dire la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, en application, en connaissance, c'est-à-dire d'avoir la connaissance de ce que ça signifie, et dans l'application, dans la pratique de ce que cette parole signifie. Et c'est ainsi que, inshallah, ils seront d'accord entre eux. Il y aura l'unité et l'accord entre eux. Mais si on trouve, parmi les musulmans, parmi ceux qui disent qu'ils appartiennent à l'islam, des gens qui n'ont pas une bonne compréhension de la ilaha illallah et qui ne savent pas ce que cette parole-là indique réellement ou qu'est-ce qu'elle signifie réellement, ou même parmi eux, certains qui ont une compréhension qui est en opposition totale avec la réelle signification de la ilaha illallah, alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'ils pourraient s'unir, alors que la base de toutes les bases, ils ne l'ont pas comprise. Hein? Donc la ilaha illallah, c'est la base de tous les autres principes dans l'islam. Et c'est la plus grande de toutes les bonnes actions que quelqu'un fait dans l'islam, parmi les choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, cette parole, elle a des conditions. Cette parole, elle a des conditions et des règles. Et le fait de s'unir sur la ilaha illallah, c'est pas juste de s'unir à le prononcer, puis à dire la ilaha illallah avec la bouche, sans comprendre et sans connaître qu'est-ce que cette parole signifie, et qu'est-ce qu'elle implique, et qu'est-ce qu'elle affirme, et qu'est-ce qu'elle nie. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Et donc, il faut, premièrement, pour qu'on s'unisse sur cette parole, avoir la science de cette parole, qu'est-ce qu'elle signifie. Et ensuite, de l'appliquer avec ses piliers, avec ses règles, avec ses conditions, comme cela est prouvé par le Coran et par la Sunna. On a posé la question à Wahb ibn Munabbih, un des salafs. Est-ce que la ilaha illallah n'est pas la clé du paradis? Il a dit, certes, c'est la clé du paradis. Sauf que toutes les clés ont des dents. Et donc, si ta clé n'a pas les bonnes dents, la porte du paradis ne va pas s'ouvrir pour toi. Mais si tu as la clé et qu'elle a les bonnes dents, là, les portes du paradis vont s'ouvrir. Et les dents de cette clé, c'est quoi? C'est les conditions de la ilaha illallah. Donc, chaque musulman doit connaître ces conditions-là. Et il y a d'autres paroles également parmi les salafs qui mentionnent et qui expliquent qu'il y a des conditions à cette parole. Donc, le fait de se réunir sur la ilaha illallah, c'est avec tous les points qu'on vient de mentionner. Il y en a parmi les musulmans aujourd'hui, quand ils parlent de la ilaha illallah, ils l'expliquent ou ils le traduisent d'une façon complètement erronée. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamoun » Et les ulama de tafsir ont expliqué « Excepté ceux qui témoignent de la vérité alors qu'ils savent, c'est-à-dire qu'ils témoignent de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, alors qu'ils connaissent la signification de la ilaha illallah. » Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat Muhammad, le verset 19, « Fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li zambik. » Il commence par la science. Il nous ordonne de connaître. « Fa'alam », le verbe impératif, de savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim, « Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. » Celui qui meurt et qui sait que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il entre au paradis. Donc, ça veut dire qu'il sait sa signification. C'est pas juste de le prononcer. Il faut qu'il le dise et qu'il l'applique. Et dans la compréhension de ce que cette parole signifie, il y a beaucoup de versets justement qui nous indiquent cette signification-là et qui montrent qu'elle est établie sur deux piliers. Deux piliers. Et les piliers de la ilaha illallah, c'est quoi? An-nafyu wal-ithbat. Les deux piliers de la ilaha illallah, c'est l'affirmation et la négation. Et ça, c'est répété dans plein de versets dans le Coran, comme le verset 36 dans surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Et adorez Allah, lui seul, et n'associez rien avec lui. Adorez Allah, c'est l'affirmation. Et n'associez rien avec lui, c'est la négation. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. La ilaha illallah. La négation, l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation que tu ne dois adorer que Allah seul. C'est ça qui est confirmé par plein d'autres versets. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Donc Ibrahim, il dit, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que Ibrahim a dit, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, إِنَّنِي بَرَاءٌ, je me désavoue de ce que vous adorez. C'est-à-dire, je me désavoue de tout ce que vous adorez. Excepté de celui qui m'a créé. Parce que lui, il va me guider. Ça veut dire que les gens de son peuple, son père et son peuple, adoraient Allah, mais ils adoraient d'autres avec lui. Et donc, Ibrahim, alayhi salam, il se désavoue de tout ce qu'ils adoraient, excepté d'Allah. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la signification de la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a de créateur excepté Allah. Ils disent la khaliqa illallah. Et ça, c'est pas la signification de la ilaha illallah. Les mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient que Allah c'est le seul créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plein de versets, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ils savent que Allah c'est le seul maître, le seul créateur. Et il n'y en a aucun d'entre les mouchriquins qui pensait ou qui disait que les statues et les idoles qu'ils adoraient avaient créé le ciel et la terre. Puisqu'ils savent très bien que ces statues-là et ces idoles, c'est eux-mêmes qui les ont fabriquées. Donc le shirk des mouchriquins à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de penser ou de croire qu'il y a plusieurs créateurs ou que ces idoles qu'ils adorent sont des créateurs en dehors d'Allah. Non. Parce que ça, il savait très bien que ce n'était pas le cas. Il savait que le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul maître, c'est Allah. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur dit, dites la ilaha illallah, il n'est pas en train de leur dire, dites il n'y a pas d'autre créateur que Allah, parce que ça, ils étaient déjà d'accord avec ça. Il est en train de leur dire, la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, c'est-à-dire dites qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, votre créateur. Tout ce que vous adorez en dehors de lui, c'est batil, c'est faux. Et c'est pour ça qu'ils se sont enflés d'orgueil. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de le combattre, et qu'ils ont essayé de le tuer, et qu'ils ont préféré mourir que de prononcer cette parole. Nasallallahu al-afiyah. Et donc aujourd'hui, on a besoin de connaître la signification de cette parole-là encore à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des musulmans qui disent « La ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah » et que tu les vois par la suite, ils se tournent vers une tombe, vers un mort, vers un prophète, vers un ange, vers un djinn, vers un saint, vers un arbre, vers une pierre, pour demander de l'aide, pour chercher le secours, pour chercher la baraka, au lieu de demander à Allah, Al-Khaliq Raziq, Al-Mudabbir. Tout ça, c'est en opposition avec la signification de la ilaha illallah. Comment des gens qui disent la ilaha illallah et qui se disent musulmans peuvent avoir cette compréhension-là? Toutefois, on a cette idée-là chez beaucoup de musulmans. Et cette compréhension-là, tu la retrouves chez certains, parmi les hizbiyyin à notre époque, les groupes de bid'ah, comme Jama'atut Tabligh. Leur compréhension du tawhid, ça se limite au tawhid de Abu Lahab et de Abu Jahl. Abu Lahab et Abu Jahl, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Eh bien ces gens-là, eux, quand ils expliquent la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils disent? Ikhraj al-yaqin al-fasid min dhat al-insan wa idkhal al-yaqin al-sahih fi dhat Allah li'annahu al-khaliq al-raziq al-mudabbir ila akhirih. Ils disent que la ilaha illallah, c'est de faire sortir du cœur la certitude fausse en l'homme et de faire rentrer la certitude en Allah que c'est lui le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui règle et qui gère tout dans l'univers. Et ça, c'est tawhid al-rububiyya. Et c'est le tawhid d'Abu Jahl et Abu Lahab. Et ça ne fait pas rentrer quelqu'un dans l'islam. Et ça ne fait pas sortir quelqu'un du shirk. Et ça ne sauve pas de l'enfer éternel. Le tawhid qui sauve de l'enfer éternel, c'est le tawhid dans l'adoration. Et c'est à ce sujet-là qu'il y a eu le débat et le conflit entre les messagers et leur peuple. Et tant que quelqu'un n'a pas établi ce tawhid, tawhid dans l'adoration, il n'a pas établi le tawhid. Et la même chose chez les ikhwan, tu les vois se concentrer sur ce qu'ils appellent tawhid al-hakimiyya. Le tawhid dans le jugement, le fait de prendre la sharia ou la loi d'Allah comme référence dans les lois et dans le jugement. Et ils mettent cette catégorie de tawhid qu'ils ont inventée, qu'ils ont mis en particulier exprès justement pour se concentrer sur la politique et pour détourner l'attention des musulmans vers la politique et les détourner des vrais problèmes, des fondements de la aqidah et de la da'wah des prophètes. Et ils se concentrent uniquement là-dessus pour faire le takfir des dirigeants. Et puis pourtant, tu vois que, dans la réalité, dans l'application, c'est des gens qui se foutent complètement de la charia d'Allah et de l'application de la loi d'Allah. Puisque quand ils rentrent dans le parlement, ou quand ils rentrent dans les élections, et puis ils disent aux gens, n'ayez pas peur, on ne va pas appliquer la charia. Et ils le mettent dans leur fascicule qu'ils distribuent aux gens. Et même ceux qui se prétendent parmi ces gens-là, qui se prétendent salafis en Égypte ou ailleurs, comme Hizb al-Nour, le parti qui prétend être salafi puis qui rentre dans les élections et qui dit par la suite aux gens, ne craignez rien, on ne va pas appliquer la charia, comme Mohamed Hassan et ceux qui sont avec eux. Donc ils prétendent, ils font le takfir des musulmans pendant plus qu'un demi-siècle en se basant sur cette question-là, et après c'est eux les premiers à rentrer dans dans ce problème. Et pourtant, dans leur pays, il y a parmi les plus grosses idoles qui sont adorées dans le monde musulman. Hein? La tombe de Hussein, qui n'est même pas en réalité la tombe de Hussein, parce qu'il n'est pas mort en Égypte, et tout le monde le sait. La tombe de Zainab et la tombe de celui qu'on appelle Al-Badawi. Les gens vont par millions, chaque année, faire des pèlerinages à ces tombes, égorger des animaux, faire des sacrifices, faire le tawaf autour de ces tombes-là, et eux, ils ne disent pas un mot à propos de ces choses-là. Hein, c'est bouche cousue, hein, devant le shirk et devant les choses qui sont des bid'ah et des oppositions au fondement de la croyance de l'islam. Du shirk qui est exactement le même shirk que ce que les gens de Quraysh faisaient avec leurs idoles. Ils le font, excepté que là, ils ont remplacé les idoles par des tombes et par des hommes morts qu'ils prétendent être des saints. Et beaucoup d'entre ces soi-disant saints-là étaient des hérétiques qui n'avaient rien à voir avec la sainteté. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Donc c'est quoi cette charia qu'ils appellent à suivre si elle n'est pas basée sur le tawhid? À quoi ça sert de couper la main du voleur ou de lapider la personne qui fait l'adultère si par la suite il va à la tombe pour adorer les morts? Toutes ces œuvres sont vaines. « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ » Celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination est l'enfer. Hein? Donc, c'est quelque chose de grave. « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Celui qui fait le shirk avec Allah, son œuvre est devenue vaine et dans l'au-delà, il est parmi le nombre des perdants. Hein? Tout ça sont des exemples et des paroles qui prouvent clairement le danger du shirk. Inna shirka la zulmun azim. Le shirk, c'est la plus grande de toutes les injustices. Et pourtant, tu les vois sortir dans la rue avec des pancartes et manifester pour dire on veut la justice, alors qu'ils sont en train d'accepter la plus grande de toutes les injustices qui est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne disent pas un mot. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Dans tous les pays musulmans où il y a eu ces grosses manifestations-là, qui sont en opposition avec la voie des salafs, il y a ces exemples de shirk qui sont pratiqués là-bas, en plein jour, devant tout le monde. Où sont ceux qui dénoncent ces choses-là? Hein? Donc tout ça, c'est des choses qui nous font réfléchir. Hein? Ils nous font comprendre le danger de ces choses-là. Donc, on veut s'unir, oui, mais on va s'unir sur quoi? Sur le tawhid, avec la bonne compréhension du tawhid, sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la aqidah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre, et que les sahaba ont suivi, et que les tabi'in ont suivi, et que ceux qui ont été sur leur voie ont suivi par la suite. Il n'y aura jamais d'union ou d'unité acceptée si on s'unit sur autre, yani, sauf si on s'unit sur cette voie-là et sur cette compréhension-là de l'islam. Et donc, ça nous indique et ça nous fait comprendre une chose. Le danger des bidas, le danger des égarements et des innovations, et que tout ça, c'est ce qui est à la source de la division. Si on veut être unis, on doit juste revenir au verset dans le Coran qui nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Plus on s'accroche au câble d'Allah, plus on est uni. Plus on s'écarte du câble d'Allah, et plus on est divisé. Et si on suit ces principes-là, et en particulier également les principes que nos salafs nous ont montrés, eh bien, inshallah, on sera unis comme eux ont été unis. Et on sera préservés. Tandis que si chacun veut suivre sa bid'a et sa compréhension, eh bien, on est perdu. Et on va terminer en disant la parole de l'imam Malik ibn Anas rahimahullah, on l'a cité plusieurs fois dans cette conférence, l'imam Malik disait As-Sunnah safinatu nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. La sunna, et quand on dit la sunna, c'est pas juste qu'est-ce que les fuqaha ont défini comme étant ce qui est recommandé dans la religion. Lorsque les salafs disent sunna, ça implique la aqidah et ça implique la religion en entier, hein, mais en particulier les fondements et les principes de la religion. Donc de s'accrocher à ça, c'est le comme le l'arche de Noé, hein, l'arche de Noé. Celui qui monte dedans, il sera sauvé. Celui qui reste, hein, dehors et qui ne monte pas dans cette arche, il va se noyer. Donc celui qui veut être épargné de l'égarement et être sauvé, inshallah, dans cette dunya et dans l'au-delà, qu'il s'accroche à la sunna et il aura le succès. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et je m'excuse si j'ai pris un peu trop de temps, mais inshallah, étant donné que c'est la seule rencontre qu'on va avoir ensemble et que demain je repars au Canada, donc je pensais que ça allait être une occasion pour en profiter, inshallah. Donc je m'excuse encore si j'ai pris trop de temps. Et yani, nasallallahu an yuwaffiqna lima yuhibbu wa yardah.